السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous sommes إن شاء الله تعالى samedi 8 ذو الحجة 1429, ce qui concorde avec le 6 décembre 2008 بإذن الله عز وجل. Le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est, le titre c'est 6 questions sur le supplice de la tombe. 6 questions sur le supplice de la tombe. Nous sommes au 23e cours du livre l'Aqida al-Wasitiya. Avant cela, inshallah ta'ala, on va faire une petite révision de ce qu'on a dit la fois passée, où on s'est arrêté, et on commence, inshallah ta'ala, par la première question des 6 sur le supplice de la tombe. Donc la fois passée, la dernière chose qu'on avait dite et où on s'était arrêté, c'est quelles étaient les sagesses, les hikmas, les sagesses qui ont fait que Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que nous entendions ce qui se passe dans la tombe. J'ouvre une parenthèse pour dire à Abu Huraira, s'il est avec nous dans le salon ici, de me faire des remarques sur le InSpeak. Parce que je vois pas. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous entendions ce qui se passe dans la tombe. On a cité 6 sagesses en cela. Entre autres que si Allah Azza wa Jal nous faisait entendre ce qu'il y avait dans la tombe, donc tout le monde croirait. Donc ce serait plus un test, ce serait plus une épreuve. Toute personne viendrait à la tombe et ouvrirait la tombe et verrait la personne blessée, la personne calcinée, la personne châtiée, et viendrait à la tombe et entendrait des cris, etc. Et aussi, l'une des sagesses qu'on a citées aussi, importante aussi, c'est que si jamais on entendait ce qui se passe dans la tombe, jamais on n'oserait. Sagesse aussi importante, c'est que c'est pour s'est passé avec ce mort. Comme ça, on ne peut pas dire de lui que c'était un pervers ou c'était ceci, cela. La preuve, c'est qu'on a. Maintenant qu'on n'entend pas, on ne peut rien dire de lui. Ni s'il est dans un supplice, ni s'il est dans un délice. C'est quoi ? Yani pour ne pas chagriner sa famille. Sinon, les gens iraient vers sa famille et lui diraient, on a entendu, votre fils est en train d'hurler, etc. Cela veut dire que c'était un âme. Donc, il y a beaucoup de causes. Ce sont, inshallah ta'ala, les principales causes. Aujourd'hui, et enfin, j'ai dit la fois passée aussi, une chose très importante, c'est qu'on dit les cris de quelqu'un qui est châtié dans la tombe. Comme j'ai fait la remarque de la cassette que beaucoup ont entendu, et comme quand on entendait des gens qui ont même dit qu'il y avait même des vidéos où on montrait des gens et on est en train d'être châtié, des gens calcinés, des gens. Tout cela, inshallah ta'ala, n'est pas vrai, car c'est dans le monde de quoi? Le monde du caché, le monde du voilé, et ce n'est pas dans le monde de l'apparent. Le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ici, dans ce contexte, a posé six questions sur le supplice de la tombe et qui ont rapport aussi sur le délice. Il a dit, rahimahullah, وَهَذَا النَّعِيمُ أَوْ الْعَذَبُ. Et ce délice qu'il y a dans la tombe, ou bien ce châtiment, هَلْ هُوَ عَلَى الْبَدَنِ أَوْ عَلَى الْرُوحِ أَوْ يَكُونُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْرُوحُ جَمِعًا. Première question, le délice et le supplice qu'il y a dans la tombe. Est-ce que ce sera par rapport au corps, ou bien par rapport à l'âme, ou bien par rapport aux deux? C'est-à-dire, est-ce que c'est le corps qui va être châtié, ou bien qui va être dans les délices, ou bien c'est seulement l'âme, ou bien ce sont les deux? Naqul, on répondra, المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع لها. Il a dit, ce qui est connu chez les gens de la sunna et du consensus, c'est que ce qui se passe dans la tombe, comme délice et supplice, la base, c'est que c'est sur l'âme et que le corps vient en deuxième position. C'est-à-dire que c'est l'âme qui est châtiée ou bien qui est dans les délices, et ensuite le corps va ressentir en deuxième position. Il a dit, comme anna al-'adhab fi ad-dunya 'ala al-badan wa ar-ruhu tabi'atun lahu. Il a dit exactement comme dans cette vie le supplice, il est sur le corps et l'âme vient en deuxième position. C'est-à-dire c'est le contraire. Dans cette vie, n'am, si on a mal ou là on ressent quelque chose de bien, c'est sur quoi? C'est d'abord sur le corps. Sur le corps, si quelqu'un nous pince, si quelqu'un nous donne un coup de poing, si quelqu'un nous brûle, c'est d'abord le corps, c'est au corps que ça fait mal. Ensuite vient en deuxième position l'âme, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe dans la tombe. وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس. Il a dit la même chose, par exemple pour les jugements religieux, dans cette vie, c'est d'après l'apparence, d'après les apparences. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, et on n'est pas obligé d'ouvrir les cœurs des gens pour savoir, yani, s'ils sont sincères, s'ils ne sont pas, etc. Nous, on juge d'après les apparences. C'est dans cette vie. Quant à l'au-delà, ce n'est plus les apparences, mais c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Ce qu'il y a dans les cœurs et dans les fonds de l'âme. Il a dit, فَفِي الْقَبْرِ يَكُونُ الْعَذَابُ أَوْ النَّعِيمُ عَلَى الرُّحِ لَكِنَّ الْجِسْمَ يَتَأَثَرُ بِهَذَا تَبَعًا وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِغْلَالِ. Il a dit, Cheikh Allah Yahmou, donc dans la tombe, le supplice et le délice sera sur l'âme, mais le corps sera influencé, le corps sera influencé par ce délice et ce supplice que subira l'âme. Il a dit, le corps sera influencé, l'âme, en deuxième position, mais non pas d'une façon indépendante. Non pas d'une façon indépendante. Ça se passe d'abord sur l'âme, c'est elle qui ressentira tout, et ensuite, en deuxième position, le corps va ressentir. Comme on a dit, c'est-à-dire tout à fait le contraire de ce qui se passe dans ce bas monde. وَرُبَّمَا يَكُونُ الْعَذَابُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْرُوحِ تَتْبَعُهُ وَالنَّعِيمُ لِلْرُوحِ وَالْبَدَنِ تَبَعُ لَكِنْ هَذَا لَا يَقَعُوا إِلَى نَادِرٍ. Il a dit, et il est possible, écoutez bien, c'est possible, hein? Ce n'est pas sûr, c'est possible que le supplice soit sur le corps, et que l'âme vient en deuxième position. Ça, c'est par rapport au supplice. Quant au délice, il est possible qu'il soit sur l'âme, et que l'âme vienne, et que le corps vienne en deuxième position. Il a dit, mais c'est très rare. Donc la base, c'est quoi? La base, c'est que ce qui se passe dans la tombe, c'est l'âme d'abord qui ressent, ensuite en deuxième position va ressentir le corps. Et d'ailleurs je vais donner une autre preuve. Vous savez que quand on sera dans la tombe, tous les corps vont, je trouve pas le mot comme ça comme on dit en français, mais vont devenir, il n'y a rien, vont être mangés par les vers, par les fourmis, par, et il ne va rien rester sauf l'os de lequel on va ressusciter, comme c'est dans le hadith authentique que tout le monde connaît. Naam, que tout le monde connaît. C'est pour ça que certains disent que la base de l'ADN se trouve là-bas. Moi-même, il a dit ici, il a dit, naam, je disais, donc, puisque le corps, les corps finiront et ils resteront seulement une durée, à part, entre parenthèses, les corps des prophètes et des messagers, car, comme c'est dans le hadith authentique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit que le Seigneur Azzawajal, le Seigneur exalté soit-il, a interdit à la terre de manger les corps des messagers et des prophètes. Allah Ta'ala a interdit à la terre qu'elle mange quoi? Qu'elle mange les corps des messagers et des envoyés par le Seigneur Azzawajal. C'est pour ça que si jamais on voulait aller dans une tombe où il y a un prophète qui est enterré, on le trouverait sain et sauf. On le trouverait sain et sauf. Ensuite, il a dit, wa qawluhu imma na'im wa imma adab. Fihi ithbatu an-na'im wal 'adabi fi al-qabr. Il a dit, Cheikh Lahmoud dit, quand Ibn Taymiyyah a dit que quand on va mourir et que on sera questionné et question, et qu'ensuite il y aura ou bien les délices ou bien le supplice. Il a dit, c'est une preuve que dans la tombe, il y a les délices et qu'il y a le supplice. C'est une preuve que dans la tombe, il y a quoi? Il y a le supplice et il y a les délices. Il a dit, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّانَا أَنْ نَقُولَ وَإِجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ. Il a dit, et la preuve qu'il y a dans la tombe les délices et les supplices aussi, c'est quoi? Cette preuve se trouve dans le Coran, se trouve dans les hadiths et se trouve aussi dans le consensus des musulmans. Dans le consensus des musulmans. Nous allons donc commencer, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par les preuves qui existent dans le Coran. Et bien sûr, on ne va citer que quelques, quoi, que quelques versets, bi'idhnillah azzawajal. Le premier verset, où Allah azzawajal a dit, il parle de quelqu'un qui va agonir. Qui va agonir. Ensuite, je vais citer seulement la fin du verset, qui a rapport avec quoi? Qui a rapport avec le cours. Naam. Lorsque Allah azzawajal a dit, fa'amma in kana min al-muqarrabin. Allah Azzawajal a dit que celui qui est en train d'agoniser, il doit être l'une des trois sortes. L'une des trois sortes qui vont venir. La première, il a dit, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, fa imma kana min muqarrabin. Résultat, alors, il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Donc, il a cité le jardin des délices. Ensuite, il a dit, et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli alors par les mots, paix à toi. De la part des gens de la droite. Wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin, et s'il est alors de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, fa nuzulun min hamim, alors il sera installé dans une eau bouillante, wa tasliyatu jahim, et il brûlera dans la fournaise. Naam, c'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Naam. Donc vous voyez ici que Allah Azzawajal a cité les trois sortes de personnes et qu'il a cité qu'après la mort, il y avait le délice et les délices et qu'il y avait aussi les supplices. Ensuite, Cheikh Lahmoud a dit, wa hadha amrun mushahad. Il a dit, et ces choses-là, ce sont des choses qu'on voit et qu'on vit. Ce sont des choses qu'on voit et des choses qu'on vit. Il a dit Yusma'u al-muhtadir yurahibu bil qadimina alayhi min al-mala'ika wa yaqul marhaban. Il a dit on entend des fois et même plusieurs fois, on entend l'agonisant, celui qui est en train d'agonir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bienvenue, marhaban, marhaban. Il dit bienvenue à qui? Aux anges qu'il a vus venir, les anges qui sont venus pour prendre son âme, pour aider Malik al-Maut, car il ne vient pas seul, il vient avec beaucoup d'anges, comme on l'a vu la fois passée. Donc, Cheikh Lahmou, il a dit, plusieurs gens, plusieurs fois, ont entendu celui qui est agonisé dire « Marhaban, bienvenue, bienvenue ». Il a dit « Wa ahyanan yaqul » et de temps en temps, on entend celui qui est en train d'agonir dire « Marhaban, ijlis huna, bienvenue, assieds-toi ici, assieds-toi sur cette chaise, marhaban bik ». كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح الى دي كم اسيتي cette chose ابن القيم عليه رحمه الله dans son fameux livre qui s'appelle الروح l'âme. Ensuite le cheikh dit واحيانا يحس بان هذا الرجل اصيب بشيء مخيف. Il a dit alors que des fois on sent que celui qui est en train d'agonir a été atteint d'une chose effrayante. Il a dit فَيَتَغَيِّرْ وُجْهُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. On voit que son visage a changé, ou bien son visage a noirci, ou bien son visage est devenu bleu, pâle, ses yeux veulent sortir. Naam. Il a dit إِذَا نَزَلَتْ عَلِهِ مَلَائِكَةُ الْعَذَابُ وَلَيَدُ بِاللَّهِ. Il a dit, et quand est-ce qu'il fait ça? C'est quand il a vu il a vu les anges du supplice, les anges du châtiment, naam, qui sont venus prendre son âme, c'est pour ça qu'il a changé de couleur, et c'est pour ça que yani, il a changé de visage. Et ceci, ça me rappelle aussi un autre verset, qui est aussi un délil, que quoi, que, yani, qu'il y a supplice de la mort, etc. Lorsque le supplice de la tombe, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. L'Anfal 50. Allah Azza wa Jalla a dit, et si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappent sur leur visage et leur derrière, en leur disant, goûtez au châtiment du feu. Qu'a dit Allah Azza wa Jalla? Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Le malaïka, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Yadribuna wujuhahum. Ils frappent leur visage wa adbarahum et leur derrière. Subhanallah al-Azim. Ça c'est quand ils meurent, avant de mourir, à l'instant de mourir, quand ils sont en train d'agonir, il y a des gens qui sont frappés, que Allah Azza wa Jalla nous préserve. Frappés déjà par qui? Frappés par qui? Frappés par les anges. Laissez ce qui se passe dans la tombe, laissez ce qui les attend le jour de la résurrection. C'est pour ça que des fois la personne qui est en train d'agonir, subhanallah, elle change de visage, elle change de classe. Pourquoi? Yani, elle a déjà commencé peut-être à être frappée, et nous bien sûr on ne sait pas et on ne voit pas. Ensuite il a cité un autre verset dans ce sens, lorsque Allah Ta'ala a dit An-naru yu'araduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Ghafir 46. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc vous avez remarqué ce qu'a dit Allah? Ça veut dire qu'il parle de la tombe. Il a dit, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. C'est où ça? C'est dans la tombe. Quelle est la preuve? La preuve, c'est qu'il a dit, juste après cela, il a dit, et le jour où l'heure arrivera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc ici, c'est quoi? C'est dans la tombe. Dans la tombe, les mécréants, Allah Ta'ala leur fera voir quoi? Le feu, matin et soir. Matin et soir. Naam. Que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ensuite, il a cité il a cité aussi d'autres versets qui montrent aussi cela. C'est comme le verset qui dit. Une seconde. Non. C'est un verset qui ressemble au premier où Allah Ta'ala dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Non, si tu voyais الظَّالِمُونَ هَذُو, les mécréants, lorsqu'ils sont en train d'agonir وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِهِمْ, et les anges en train de les frapper, أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, faites sortir vos âmes. Pourquoi? Parce que l'âme, quand elle a vu qui sont les anges qui sont venus et qu'elle a su que elle va aller en enfer et que il y a quelque chose de très très atroce qui l'attend dans la tombe, l'âme n'a pas voulu sortir. Or, pour la faire sortir, maintenant, il faut que la personne soit frappée. Il faut que la personne soit frappée pour que l'âme sorte. Sinon, elle ne veut pas sortir. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit "Wal malaikatu basitu aydihim." Il sera dit au croyant, il sera dit à son âme, Ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma, et sur le point de mourir, la dernière minute, les dernières secondes, et que elle entende une phrase pareille, après avoir vu ça se termine avec cette belle phrase, sors, ô toi, l'âme apaisée, sors vers un pardon d'Allah Azza wa Jal et un agrément d'Allah Ta'ala qui t'attend. Allah Azza wa Jal raffermisse nos cœurs et nous aide à ce qu'on meure musulmans et croyants. Ah. Il a dit فَتَفْرَحُ بِهَدِي الْبُشْرَ. Il a dit l'âme sera vraiment ravie de cette bonne nouvelle. وَتَخْرُجُ مُنْقَادَةً سَهْلًا. Et elle va sortir vite. Naam. Et facilement. وَإِنْ كَانَ الْبَدَنُ قَدْ يَتَأَلَّمْ. Il a dit même si le corps va ressentir des maux. Car ce n'est pas facile, même pour le croyant, ce n'est pas facile de personne faisait la médisance et l'autre ne se nettoyait pas lorsqu'elle urinait. Donc, pour les gens qui passent leur temps à faire la médisance, que il y a un supplice qui les attend dans la tombe. Sauf bien sûr s'ils font le repentir sincère et reviennent à Zawji. Et pour les hommes et les femmes qui, lorsque ils urinent, ne se nettoient pas du tout ou ne se nettoient pas bien et laissent comme ça les gouttes sur leurs vêtements, et ils savent, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas remarqué quelque chose qui a coulé, je parle de celui qui fait exprès, il s'en fout, celui-là qu'il sache alors qu'il y a un supplice spécial pour cette chose qui est en train de l'attendre demain dans sa tombe, que Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Barakallahu fik Abu Huraira. Amma al-ijma', quant au consensus qu'il y a le supplice et les délices, il a dit fa kullu al-muslimin yaquluna fi salatihim, il a dit tous les musulmans, quand ils font la salat, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils terminent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Oh Allah, préservez-moi du supplice de quoi? Du supplice de la géhenne, de jahannam. Sah? Et ils disent aussi wa min adab al-qabr. Préservez-moi du supplice et des supplices de la tombe. Vous savez qu'en islam, que dans la salat, il n'est pas permis de sortir de la salat sans dire ces quatre choses. A'udhu billahi min adab jahannam, min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Ces quatre choses, si quelqu'un, naam, les oublie, il doit faire deux prosternations. Il doit faire deux prosternations. Pourquoi? Parce que ce sont des choses obligatoires qu'il faut dire avant de quitter la salat. Donc, le témoin ici du cours, c'est quoi? C'est que tous les musulmans disent donc, avant de sortir de la salat, ils demandent à Allah de les préserver de quoi? Du supplice de Jahannam et du supplice de quoi? De la tombe. Donc, c'est une preuve qu'il y a un supplice dans la tombe. Deuxième question. Tout ça, c'était la première question. Deuxième question. فإن قال قائل هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ Ici, quelqu'un va dire, est-ce que le supplice qu'il y a et les délices qu'il y a dans la tombe, est-ce qu'ils sont continus et durables ou bien ils cessent? نعم. هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ La réponse, écoutez bien la réponse, أما العذاب للكافر فإنه دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون لذلك. Il a dit, on va faire maintenant la différence entre qui? Entre les mécréants et les croyants. Entre les mécréants et les croyants. Il a dit, quant aux mécréants, quant aux mécréants, le supplice par rapport à eux va être continu. Il ne va jamais cesser. Et il a dit, et il est impossible qu'il cesse. Pourquoi? Parce qu'ils méritent cela. Ils méritent cette chose. Il n'y a pas plus grand péché que quoi? Que le shirk, subhanallah. Pas plus grand. Allah Ta'ala, qui t'a créé de rien, tu n'étais rien. Il t'a créé, t'a façonné. Ensuite, il t'a tout donné dans cette vie. Tu respires, na'am, son air. Tu manges ses fruits. Tu bois son eau. Tu marches sur son sol. Na'am, tu te promènes dans ses jardins. Et tu as tous les délices que tu veux. Et tu ne l'as pas adoré. Tu as adoré qui? Un autre. Car il n'y a personne qui peut ne rien adorer. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a adoré? Il a adoré son nefs. Il a adoré ses tentations. Il a adoré son shaitan. Il a adoré l'argent. Il a adoré les femmes. Et comme ça. Naam. Donc, il a dit, وَلِأَنَّهُ لَوْ زَالَ الْعَذَابُ عَنْهُمْ لَكَانَ هَذَا رَحْمَةً لَهُمْ وَهُمْ لَيْسُ أَهْلًا لِذَلِكَ. Il a dit ensuite, si le supplice dans la tombe, cesser par rapport aux mécréants. Donc, ce serait un repos pour eux. Donc, les kofars, les mécréants dans la tombe, ils vont se reposer, la détente. Masha'Allah, ils vont se reposer des heures et des heures. Masha'Allah, c'est la détente. Il n'y a pas de détente, il n'y a pas de repos. C'est pour ça que pour le kafir, le supplice ne s'arrête jamais dans la tombe. Fahum bistimrar fi adabin ila yawm al-qiyamah. Ils seront dans le supplice de la tombe jusqu'au jour de la résurrection. Même s'ils vont rester des années et des années, des millions d'années, ils seront pendant ces millions d'années dans la tombe en train d'être châtiés. Allah Azza wa Jal nous en préserve. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة. Il a dit, la nation, par exemple, le peuple de Noé, de Nuh alayhi salam, quand Allah Azza wa Jalla les a noyés et les a fait rentrer en enfer, ils sont dans cet enfer, dans la tombe, il a dit, jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'au jour de la résurrection. Et la même chose il a dit pour le peuple de Pharaon, le peuple de Pharaon, on l'a vu tout à l'heure dans le verset, Allah Ta'ala, leur les châtie avec le feu, matin et soir, les châtier avec le feu, matin et soir, dans le verset, An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya. طيب, il a dit Cheikh Larhmo, wa dhakara ba'd al-'ulama'i annahu yukhaffafu 'an al-kuffari ma bayn an-nafkhatayn. Wa istadallu bi qawli ta'ala, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Le Cheikh Larhmo a dit, certains savants ont dit que les kuffars, Allah Ta'ala va leur alléger le supplice entre les deux souffles. Il a dit, ils se sont basés sur le verset qui dit, قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Malheur à nous qui nous a ressuscité de là où nous dormions. Donc, pour certains savants qui ont dit qu'Allah Ta'ala va alléger et qu'ils vont avoir un peu de repos, ils sont basés sur ce verset que je viens de citer, où Allah Ta'ala, en parlant des kofars, a dit, ils vont dire, qui nous a ressuscité de là où nous dormions. Donc ils dormaient. Et celui qui dort n'est pas châtié, il est en train de dormir. Et la réponse c'est quoi? La réponse c'est que c'est un lit où il dormait. Non, c'est un lit où il dormait, mais cela ne veut pas dire que quand on dort, on n'est pas châtié. Et tout le monde sait que, tout le monde le sait, plusieurs fois il nous est arrivé en dormant d'être griffé par le chat, d'être mordu par un serpent et de tomber de l'immeuble et de tomber dans un trou et deux et deux et deux et de courir et de des gens en train de courir derrière nous et en train de courir et de pleurer et de hurler et tout ça c'est quoi? C'est un supplice. Donc le verset ici ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quoi de supplice et ne veut pas dire que ils vont s'arrêter d'être châtiés parce qu'ils sont en train de dormir. Elle dit premièrement, j'ajoute une chose, j'ajoute une deuxième chose, certains savants ont dit, lorsque Allah Ta'ala a dit, من بعثنا من مرقدنا, lorsque Allah Ta'ala a dit que qui nous a ressuscité de notre lit, certains savants ont dit, Naam, c'est un lit et c'est une détente par rapport à ce qui les attend Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la tombe, tout ce qui est atroce, naam, et fait peur, et fait mal, ce n'est rien par rapport à ce qui va venir. C'est pour ça les kuffars diront quoi? Diront que c'est comme si on était dans un lit, tellement ce qui va venir est grave. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qu'on leur faisait dans la tombe n'était pas grave. Mais lorsqu'on compare entre les deux, ce qu'il y a dans la tombe et ce qu'il y a le jour de la résurrection, c'est incomparable. C'est pour ça qu'ils ont dit, subhanallah, c'est comme si on était dans un lit. Naam. Le Cheikh Rahmoul a dit, donc cela c'est par rapport à qui? Par rapport aux mécréants. Le supplice de la tombe est... Et comment? Et Yanné, si je puis dire, ne cesse jamais et continue. Maintenant, quant aux croyants, les pécheurs des croyants, ceux qui faisaient des péchés. Et est-ce que vous connaissez un croyant qui ne fait pas de péché? Sauf si on parle des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne font pas les grands péchés. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne fait pas un petit péché? Et nous, bien sûr, on est en train de parler de ceux qui font les péchés et qui meurent sans avoir fait le repentir. Non. Allah Azza wa Jal, avec sa grande miséricorde, lui, le très miséricordieux, il nous a donné, si je puis dire, je n'ai jamais entendu cette phrase chez quelqu'un, mais je la dis de ma tête, il nous a donné une sorte de gomme. Et tu as une ardoise devant toi. Et dès que tu fais une faute sur l'ardoise, tu écris un mot qui n'est pas bien, ou là tu dessines quelque chose qu'il ne faut pas dessiner, alhamdoulilah, tu as la gomme, tu essuies vite. Naam. Bon, la gomme ne marche pas avec l'ardoise, je crois que c'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle, la brosse, avec la brosse, tu effaces la craie. La gomme, c'est sur la feuille. Vous m'avez entendu, alhamdoulilah, cette gomme, c'est quoi? C'est le repentir, c'est les regrets, c'est demander à Allah Ta'ala pardon, c'est implorer pardon. Dès que tu implores le pardon, c'est comme si tu as effacé, alhamdoulilah, masha'Allah. Mais le malheur pour ceux qui n'effacent pas, le malheur pour ceux qui ne gomment pas, le malheur pour ceux qui s'en foutent. Et ils disent, tout le monde fait des fautes, moi je ne suis pas un prophète pour ne pas faire de fautes, hein. Tout le monde fait des fautes. Et il oublie, le shaitan lui fait oublier que il devait implorer Allah Azza wa Jalla pour lui demander pardon. Et il ne doit pas être arrogant et dire tout le monde fait des fautes. Mais il doit dire, je regrette d'avoir fait cette faute, et il se met à genoux et se prosterne et commence à pleurer, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Al-Muhim, il a dit maintenant, quant aux croyants, les pécheurs, ceux qui font les fautes, ceux-là que Allah Azza wa Jal va châtier dans la tombe, فَهَاُولَئِ قَدْ يَدُومُ عَدَبُهُمْ وَقَدْ لَا يَدُومُ. Parce que dans la tombe, si Allah Azza wa Jal veut châtier les croyants, il les châtie. À cause des fautes qu'ils ont faites et des péchés, et ils n'ont pas demandé le pardon. Mais bien sûr, s'il veut leur pardonner, personne ne lui demande pourquoi il a pardonné. On va parler de ceux auxquels il ne va pas pardonner. Et dans la tombe, il va les châtier. Est-ce que ce châtiment, est-ce qu'il va durer comme le kafir ou il ne va pas durer? Il a dit, Cheikh Lahmo, قَدْ يَدُومُ عَدَبُهُمْ وَقَدْ لَا يَدُومُ. Leur châtiment, il est possible qu'il soit continu et il est possible qu'il cesse. وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ لَا يَطُولُ. Et il est possible qu'il soit lent et il est possible qu'il ne soit pas lent. حَسْبَ الظُّنُوبُ. D'après les péchés. وَحَسْبَ عَفُوِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ. Et d'après le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Il y a des musulmans qui ont des millions et des milliards de péchés. Et ils ne demandent jamais pardon et du matin au soir des péchés. Du matin au soir, la drogue, la zina, ils parlent dans le haram, tout ça. Non, des millions et des millions et des milliards de péchés. Donc celui-là, il est possible que son châtiment ne se termine pas dans la tombe. Surtout s'il ne va pas rester beaucoup dans la tombe. Il va rester seulement 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Non, il est possible que donc le châtiment soit par rapport à lui continu. Et il a dit, cela dépend aussi de quoi? Cela dépend aussi du pardon d'Allah Azza wa Jal. Du pardon d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Ta'ala veut pardonner à quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'a le droit de lui dire pourquoi tu as pardonné à X et tu ne m'as pas pardonné à moi. Ensuite il a dit, وَالْعَذَابُ فِي الْقَبْرِ. Et le supplice dans la tombe, أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Est moins grave que le supplice du jugement dernier. Du jour du jugement dernier. نعم. لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي ولا عار. Parce que le supplice dans la tombe, quand il y a le supplice dans la tombe, il n'est pas accompagné d'avilissement et d'ignominie. الخزي والعار. لكن في الآخرة فيه الخزي والعار. Quant au jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, il y a supplice accompagné d'avilissement et d'ignominie. Les annal ashhad, pourquoi? Parce que les témoins seront présents. Les témoins. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourons, certes, nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront. Naam. Il y aura des témoins ce jour-là. Naam. Même les témoins, subhanallah al-azim, seront présents, verront tout, entendront tout, et diront même à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer cette personne en enfer, de châtier cette personne, et diront, ils maudissent même, la'anatallah ala ceci. Qu'Allah maudisse, qu'Allah te maudisse, qu'Allah ceci. Naam. Quand tu as dans la tombe, c'est seulement entre toi et ton Seigneur Azza wa Jal. C'est seulement entre toi et ton Seigneur Azza wa Jal. D'ailleurs, quand quelqu'un sort de sa tombe et va aller pour se présenter devant Allah Azza wa Jal, personne ne sait ce qu'a eu cette personne dans la tombe. Personne ne peut te dire, toi, tu as été châtié. Ou là, toi, tu étais dans les délices. Ça, c'est aussi rahma, une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Pour que devant les gens, personne ne sache ce qui t'est arrivé dans la tombe. Mais maintenant, ce qui va t'arriver devant Allah Azza wa Jal, il y a les témoins. Il y a les témoins. Il a dit, Cheikh, ici. Troisième question. Nous sommes à la troisième question. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Ici, quelqu'un dit, لَوْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ تَمَزَّقَ أَوْصَالًا وأكلته السباع وذرته الرياح فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله. Cheikh Lahmoud dit dans la troisième question, et si quelqu'un nous dit, cet homme-là a été déchiqueté en miettes, ou bien les prédateurs par exemple l'ont mangé, les crocodiles, les lions l'ont mangé, et les vents l'ont éparpillé, il était en miettes classe, les vents l'ont éparpillé. فكيف يكون عذابه؟ Comment celui-là il va être donc châtié? Et comment sera, yani comment qu'on lui posera des questions alors qu'il n'existe pas, il est parti en miettes ou bien il se trouve dans les ventres des prédateurs. الجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير Réponse, Allahu subhanahu wa ta'ala est omnipotent. Allah ta'ala est capable de tout, ala kulli shay'in qadir. Wa hada amrun ghaibi. Et ça, c'est du domaine du caché, du domaine du voilé, du domaine de l'invisible. Fallahu azza wa jalla qadirun ala yajma'a hadhihi al-ashya' fi 'alim al-ghayb. Allah ta'ala est capable, na'am, de quoi? De regrouper ces miettes-là ou ces morceaux. Il les regroupe dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde du caché, sans qu'on voie nous cette chose. Wa in kunna nushahidu fi ad-dunya mutamazziqan mutaba'idan, lakin fi 'alam al-ghayb rubbama yajma'u Allah. Na'am. Nous, on voit une personne déchiquetée. Je donne un exemple. On voit une personne, par exemple, on a, par exemple, comme dans le hadith, la personne qui a dit, vous connaissez la personne qui a dit, a demandé à ses enfants que si elle mourait, elle voulait être quoi? Elle voulait qu'elle soit mise en miettes. Comme on la moue, hein, comme on moue le café. Et elle a demandé à ses enfants d'être brûlés, d'être jetés dans le vent. Voyez, maintenant, on a fait ça de lui. Allah Azza wa Jalla l'a regroupé ou l'a pas regroupé? Il l'a regroupé. Donc, Cheikh ici veut dire, même si une personne est maintenant devenue en miettes, ou là, disons une personne, on voit par exemple sa tête là-bas, hein, son pied là-bas à 1 km, l'autre pied à 2 km, il a dit, Cheikh Larmou, il a dit, pour nous, le monde de l'apparent, on voit comme ça, on voit qu'il est déchiqueté, on voit qu'il est, yani, certains membres d'un côté, d'autres de l'autre. Mais pour Allah Azzawajal, il peut les grouper dans son monde. Allah Azzawajal les a groupés et nous, on ne peut pas voir cela. Est-ce que ça, c'est impossible? C'est possible pour Allah Azzawajal que tu vois toi une chose et que Allah lui ait donné une autre forme. Et que toi, tu vois la forme apparente seulement. Tu ne vois pas, yani, des choses qui sont quoi? Qui sont dans l'autre monde. Il va donner des exemples. Il a dit, Fandor il al malaika. Fandor il al malaika. Tanzilu li qabli ruhi l'insan fin makani nafsi. Il a dit, regarde les anges. Ils descendent pour prendre l'âme de la personne au même endroit où on est assis nous. On est assis devant notre oncle qui est en train d'agonir. Subhanallah al-Azim. Et est-ce que quelqu'un voit ses anges? Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et nous sommes plus proches de lui que vous, vous qui l'entourez, mais vous ne voyez point. Donc, les anges sont là, en train de lui parler, de lui annoncer la bonne nouvelle, ou bien la mauvaise, ou bien de le frapper s'il est mécréant, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset. Et, subhanallah, on ne voit rien et on n'entend rien. Et pourtant, ils sont là. Est-ce que le fait que je ne les entende pas ou que je ne les vois pas, je vais nier? Je vais dire donc qu'ils n'existent pas des anges. C'est impossible. La même chose pour la personne qui est déchiquetée, pour la personne qui est en miettes. Allah Azza wa Jal l'a regroupé chez lui et a envoyé Nakr wa Munkar et lui ont posé les questions. Et maintenant, cette personne est en train d'être châtiée ou bien elle est dans les délices et elle est dans sa tombe. Et nous, on ne sait pas, on la voit là devant nous. Ensuite, il a dit, wa Jibril alayhi salam yatamathalu ahyanan lirrasul sallallahu alayhi wa sallam wa yukallimuhu bilwahyi fi nafs almakan wa an-nas la yanzuruna la yasma'un. Et Jibril alayhi salam plusieurs fois est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui parlait, et lui disait, Allah te dit ceci, te dit cela, et les gens assis autour du messager d'Allah ne voyaient jamais Jibril ni ne l'entendaient. Non. Il a dit, فَعَالِمُ الْغَيْبِ لَا يُمْكِنُ أَبَدًا يُقَاسَ بِعَالِمْ شَهَدًا. On ne doit jamais faire d'analogie, le qiyas, entre le monde voilé et le monde apparent. Le monde voilé, tu dois seulement croire. Non. Il dit, سَمِعْنَا وَطَعْنَا, c'est tout. Tu ne vas pas essayer de faire comme les philosophes et de poser des questions qui n'ont pas de réponse. Tu dis, j'ai cru, il y a un hadith qui a dit ça, il y a un verset qui a dit ça. J'ai cru, là, ça s'arrête là. Ça rentre dans la foi. Ça rentre dans la foi. Il a dit aussi, fais nefsuka, ton âme, elle est ifidjofik, qui se trouve dans ton ventre, tu ne sais pas comment elle est liée à ton corps. Commence par l'Aladim, qu'elle se trouve à l'intérieur de notre corps. وكيف تخرج منك عند النوم. Vous savez que quand on dort, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Quand on dort, notre âme nous quitte. Elle sort de nous, ça? C'est vrai ou pas? Il a dit, هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع? Est-ce que le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu sens qu'elle est revenue? Tu sens que tu n'avais pas d'âme, ensuite elle est revenue? Tu sens pas. ومن أين دخلت? Comment qu'elle est rentrée? Et par où elle est rentrée? Par la bouche, par les yeux, par les oreilles? Tu sens pas. Pourtant avant de dormir, tu fais comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ta main droite sous, là, au-dessous de ta joue droite et tu dis Allahumma bismika amut wa ihya. Allahumma, ô mon Seigneur, en ton nom, je vais mourir et je vais ressusciter. Ressusciter le matin et je vais mourir la nuit. Subhanallah. Et le matin, dès que tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah alladhi ahyana. Je remercie Allah Azza wa Jal qui nous a. Ahyana, qui nous a ressuscité, ba'dama matana, après nous avoir fait mourir. Pourquoi? Car quand tu dors, tu meurs. Quand tu dors, tu meurs. Et pourtant, vous voyez, quand on dort, notre âme nous quitte. Quand on se réveille, elle revient vers nous. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais on croit en ces choses. Donc, le monde du caché et le monde du voilé, il ne contient que quoi? La résignation. Teslim. Tu abdiques. Et tu reconnais. Et tu dis j'ai cru. Et il n'y a pas de qiyas. Il n'y a pas d'analogie. On n'est pas des philosophes. On est des croyants. Et on n'est croyant que si on croit au monde caché, au monde invisible. Quatrième question. Il reste combien de questions? Il reste 4, 5, 6. Il reste 3 questions. Quatrième question. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ Abu Huraira écrit numéro 1 si ça va... bien. Alhamdulillah, barakallahu fi. Quand jette un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe dans le paltok? Dans le paltok, vous m'entendez? Écrivez numéro 1. Barakallahu fi, Abu Marwan. Jazakallahu khair, muslim. Je disais, quatrième question. Fa'in qala qa'il. Si quelqu'un va dire, al-mayyit yudfanu fi qabrin dayyiq, fa kayfa yuwassi' lahu mudd al-basar, mudd al-basar. Il a dit, si quelqu'un va nous poser la question, il va dire, le mort va être enterré dans un endroit étroit. Étroit. Hein, quelques centimètres sur un mètre et demi. Quelques centimètres. Subhanallah l'adem. Comment se fait-il? Vous dites que on va lui étendre, on va lui agrandir sa tombe. Non, comme c'est dans le hadith. Vous allez dire que le hadith dit que dans sa tombe, il va voir... Non, jusqu'où porte le regard? Jusqu'où porte le regard? Ils vont dire ça, c'est impossible. La tombe, c'est connu, c'est quelque chose d'étroit. Comment se fait-il qu'on puisse yani, lui ouvrir et lui agrandir la tombe à ce point? Réponse: Anna alim al-ghaybi la yuqas bi'alim shahada. Toujours la même chose. Le monde caché ne ressemble pas au monde apparent. Le monde de l'invisible ne ressemble pas à ce monde-là où nous vivons. Il ne faut pas faire d'analogie. بل إننا لو فرض أن أحد حفر حفرة مد البصر. Il a dit, on va donner un exemple. Si on supposait que quelqu'un va creuser un trou dans une tombe et qu'il va le creuser de façon à ce que il soit très très très très large au-dessus de la terre. Il va faire un trou et en bas, il va creuser par exemple, 1 km². 1 km². Ensuite, il va recouvrir ce trou. Il va le recouvrir avec la terre. Celui qui ne sait pas qu'on a creusé un trou d'un kilomètre en bas. Celui qui ne sait pas. Est-ce qu'il va voir ce trou? Il ne va pas le voir. Il a dit, sûrement qu'il ne va pas voir ce trou. Pourtant, ça c'est dans ce monde, le monde apparent, et il ne peut pas voir ce trou parce qu'on l'a déjà, on a recouvert le trou, hein, et il ne sait pas qu'il y a en bas, on a creusé 1 km ou la plus. Comme lorsqu'on creuse, par exemple, pour construire le métro, pour construire un tramway, comme ça. On creuse sous la terre, des fois des centaines de kilomètres. Mais celui qui ne sait pas qu'on a creusé, parce qu'on a recouvert le trou, il ne sait pas qu'il y a un grand trou en bas qui fait des kilomètres de longueur. Alors ça, c'est dans ce monde apparent. Qu'en est-il dans le monde de monde caché? Non. Cinquième question. Cinquième question. Ici, quelqu'un va nous dire, nous nara al-mayyit al-kafir idha hafarna qabrahu ba'da yawmin aw yawmayn nara adla'ahu lam takhtalif wa tatadakhal min adh-dhayq. Si quelqu'un va nous dire, nous on a fait l'expérience et on a vu que le mécréant, si on va creuser sa tombe après un jour ou deux, on va trouver que ses côtes n'ont pas changé d'emplacement. Et elles ne se sont pas entremêlées du fait, quoi? Du rétrécissement. Du fait du rétrécissement. On l'a trouvé, parce que vous savez que, il y a un hadith authentique qui dit que quand on met le mort dans la tombe, ensuite quoi? La terre et la tombe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se resserrer contre lui jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que ses côtes vont s'entremêler. Les côtes de la droite vont sortir du côté gauche, les côtes de la gauche vont sortir du côté droit. Il a dit, nous, on vient d'ouvrir la tombe, on a trouvé le kafir avec ses côtes à leur place. Donc, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Réponse, al-jawabu kama sabaq. Réponse, al-jawabu kama sabaq. Anna hada min alam al-ghayb. La réponse, c'est comme on a dit tout à l'heure. Hada min alam al-ghayb. Ça rentre dans le domaine du caché. Ça rentre dans le domaine de l'invisible. Wa min al-ja'iz. Et c'est même possible, an takuna mukhtalifa. Et c'est possible que les côtes de ce kafir, naam, soient entremêlées. Mais, ida kushifa anha, a'adaha Allah. Wa radda kulla shay'in ila makanihi. Il a dit, il y a une autre, disons une autre version, notre naam, comment on dit ça? On dit que quand le kafir est dans sa tombe, naam, ses côtes s'entremêlent. Et dès que nous on ouvre la tombe, Allah Azza wa Jal va rendre les côtes comme elles sont naturelles. Naam. Pourquoi? Juste pour t'éprouver. Pour que tu ne vois pas ce qui est de l'autre monde. Toi, tu ne vois que le monde apparent. À chaque fois que tu ouvres la tombe, Allah Ta'ala va ordonner aux côtes de revenir à leur place. Et à chaque fois que tu jettes la terre et tu fermes la tombe, Allah Ta'ala va ordonner à la terre et à la tombe de faire de sorte de le serrer jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Est-ce que yani, ça se contredit? Non. Jamais. C'est logique. C'est très logique. Allah Ta'ala est omnipotent. Elle a kulli shay'in qadir. Non. Ensuite, il a dit, sixième question et dernière. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَمَا قَالَ الْفَلَاسِفَةُ. Ici, quelqu'un va dire comme les philosophes. Naam, les philosophes qui aiment, naam, philosopher, passer le temps à se poser des questions au lieu de faire fonctionner le cœur et la foi. Ils font fonctionner quoi? Le cerveau. Et le cerveau tout seul, il ne va pas te mener, naam, au ravissement d'Allah Azzawajal tout seul. Il faut qu'il soit aidé par le cœur où il y a la foi qui guide. S'il y a seulement le cerveau, naam, il n'y a pas la boussole. Si tu as seulement le cerveau, on t'a donné un bateau et on ne t'a pas donné la boussole. Tu es en pleine mer et tu ne sais pas si tu dois prendre à droite ou à gauche, ou vers l'avant ou vers l'arrière. Tu ne sais pas. Subhanallah. Mais quand on a un cerveau, masha'Allah, aqlun rajih, qui réfléchit bien, mûr, masha'Allah, cultivé, et ensuite on a la foi dans le cœur et on commence à chercher la vérité, ça. Allah Azzawajal va nous aider, va nous guider. Je disais, les philosophes, qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Ils disent, nahnu nadha'u zibaq 'ala al-mayyit. On a fait l'expérience d'avoir mis plusieurs fois du mercure sur qui? Sur le mort. Quand il meurt, quand il est là allongé sur son dos, on met du mercure sur lui. Et vous savez que le mercure, il n'y a pas une chose qui se déplace plus vite que lui. Et lorsque nous revenons le lendemain, On ouvre la tombe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le mercure à sa place qui n'a pas bougé. Or, vous vous dites qu'il y a des anges qui vont venir, qui viennent pour le faire asseoir. Or, si c'était assis, on n'aurait pas trouvé le mercure sur sa poitrine, non, non, mais on l'aurait trouvé par terre, par exemple. C'est une preuve, donc, une preuve, une grande preuve, mashallah. Les philosophes, ils sont très, très, très malins, ils ont la science, non. C'est une grande preuve, donc, qu'il n'y a pas quoi? Qu'il n'y a pas le supplice de la mort, de la tombe, et qu'il n'y a pas quoi? Et qu'il n'y a pas les anges qui viennent le faire asseoir. Pourquoi? Parce que le mercure n'a pas bougé, il est à sa place. Et Cheikh Lahmoudi, même réponse, ça c'est du domaine du voilé, ça c'est du domaine du caché. Là, on doit se résigner et croire, c'est tout. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. Et il est aussi possible, et très possible, que Allah عز وجل rende ce mercure à sa place, c'est-à-dire sur le corps du mort, après quoi? Après qu'on ait ouvert la tombe. Et dès qu'on la ferme, naam, il n'y a plus de mercure, et l'autre, le mort, est ou bien assis, ou bien assis pour être questionné, bien sûr, ou bien il est dans les supplices en train d'être frappé, en train d'être mordu, en train de. Et comme on l'a cité plusieurs fois dans les hadiths. Wa naqulu aydan, et on dit aussi, انظروا إلى هذا الرجل في المنام. Regardez cet homme qui est en train de dormir. يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على السرير. Il est en train de voir des choses. نعم. Yara Ashia. Lo kana, si vraiment, nam, si vraiment, c'était d'après sa vision en lui, il serait jamais resté sur le lit. Nam. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل. فتقع كما كان يراها في منامه ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء سبحان الله il a dit l'insan idha ra'a fi manamihi ma yakrah il a dit des fois la personne qui est en train de dormir voit dans les rêves des choses qu'elle déteste il a dit fa asbaha mutakaddir au point où la personne qui se lève le matin va se lever chagrinée avec le cœur gros pourquoi à cause des choses qu'elle a vues où Elle a vu dans le songe. Et, subhanallah l'adhim, le songe, c'est comme si c'était la vérité. Non. Au point où des fois on se lève avec un cœur gros, et ça nous est tous arrivé, et ça vous est tous arrivé au moins une fois dans la vie. Et, le contraire, wa idara amaya surhu, et si jamais il voit dans le rêve quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui le rend gai, le rend joyeux, Il se réveille, mashallah, gai et joyeux. Il est toute joie. Il est toute joie. Il a dit, toutes ces choses-là veulent dire quoi? Veulent dire que les choses qui en ressort, qui ont le lien avec l'âme, ne sont pas du monde de l'apparent. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas faire d'analogie, il a dit, entre Omur Ghaib et Omur Mushahada, entre les choses qui sont dans l'au-delà et l'invisible et les choses qui sont apparentes. Voilà, Tourad al-Nusus Sahiha. Et ce n'est pas à cause d'eux. On ne peut pas voir des choses que on va ne pas accepter les textes véridiques, c'est-à-dire les versets et les hadiths du prophète, les hadiths authentiques. Et j'ajoute une chose, vous voyez que des fois, la personne est à côté de nous en train de dormir, subhanallah al-azim, et quand il se réveille, quand la personne se réveille, elle va même remercier Allah Ta'ala, alhamdoulillah, j'étais avec un serpent, j'étais avec un serpent, il allait me mordre, alhamdoulillah, je me suis réveillé, ou bien il y avait un grand chien qui courait derrière moi, alhamdoulillah, je me suis réveillé, juste il allait me mordre, je me suis réveillé, j'allais tomber dans un puits, alhamdoulillah, je me suis réveillé, On allait me prendre ma voiture. Alhamdoulilah, je me suis réveillé comme ça. Et pourtant, nous, quand on voit cette personne en train de dormir, elle nous paraît yani, sereine, tranquille, normale, les yeux fermés, alors qu'elle est en train de passer de grands moments. Elle est en train de passer des supplices. Ça, je parle de cette vie, hein? Le supplice avec le chien qui voulait la mordre, avec le crocodile qui voulait la mordre, avec le clochard qui courait derrière elle avec un poignard dans la main, avec tout ça, hein? On a peur dans le songe, on pleure dans le songe, on hurle dans le songe, on crie dans le songe, on. Et pourtant, si quelqu'un nous voit comme ça, ils disent, ah là, celui-là, il n'a rien, il est en train de dormir. C'est la même chose pour la tombe. La même chose pour la tombe. Tu ouvres la tombe, tu vois la personne, le kefel, le mécréant, Pharaon, tu le vois normal dans sa tombe. Bon, Pharaon n'est pas dans la tombe, il est dans le musée, mais c'est un exemple, c'est tout. Tu vois cette personne dans la tombe, tranquille, sereine, tu dis, Masha'Allah, alors que elle est dans des supplices immenses. Seul Allah Azzawajal sait quels sont les supplices, non, mais les châtiments de cette personne. Comme je viens de dire, comparé avec celui qui dort. Quand on le voit, on dit il n'a rien. Alors que il est en train d'hurler, de pleurer et de courir. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Je vais répondre à vos questions dans quelques minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le courant, inshallah ta'ala, je reviens. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib, en cette soirée du samedi 8 d'Ul-Hijjah 1429, c'est-à-dire le 6 décembre 2008, on commence, inshallah ta'ala. Alors, je commence à répondre à vos questions. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Et on commence bi-idna azzawajal par Mouahidin. Naam. Mouahidin. Tafadlali. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, inshallah. Alhamdulillah. Cher, par contre, vous avez le micro sur InSpeak. Donc, je lis la question, inshallah. Salam alaykoum. Bismillah. Hayakoum Allah, cher. Dites-moi, s'il vous plaît, si c'est correct. Et qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Allah a les attributs de un visage, deux yeux, deux jambes ou pieds, deux mains, un tibia. Et Allah est unique, rien ne lui ressemble. Tfadr, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et je disais alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant de répondre à la question de la sœur, je n'oublierai pas de rappeler mes frères et mes sœurs que demain, inshallah ta'ala, c'est le siyam de Arafat. Et que ce siyam est tellement bien chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il, bi'idna azza wa jal, qu'il annule, comme c'est dans le hadith, qu'il annule 2 ans de péché. Et qu'il annule, bi'idna azza wa jal, 2 ans de péché. L'an passé et celui qui vient. Comme c'est dans le hadith authentique, bi'idna azza wa jal. Naam. La femme qui a des dettes, par exemple, de préférence que si elle veut jeûner demain, elle jeûne à Arafat. Et les dettes, elle a, inshallah ta'ala, le temps pour les refaire, pour les récupérer. Elle peut commencer les dettes, par exemple, après l'Aïd. Et de préférence, elle laisse demain, spécialement la niya, l'intention, pour Arafat, inshallah ta'ala. Quant à ce qu'a dit la sœur, en ce qui concerne Allah Azzawajal, avait, hein, je reprends ce qu'elle a dit, avait les attributs de un visage, deux yeux, deux jambes, nam, deux pieds, nam, deux jambes ou pieds, deux mains, un tibia, Allah Azzawajal est unique, rien ne lui ressemble. Nam, tout ce qu'elle a dit est vrai. Tout ce que a dit la sœur, Inch'Allah Ta'ala, est vrai. Reste que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas cité, par exemple, comme dans le hadith, qu'il avait les doigts, les phalanges, qu'il descendait, qu'il riait, qu'il s'étonnait, qu'il y en a beaucoup de choses, bien sûr, mais l'essentiel, c'est que ce qu'elle a dit, bi'idna azzawajal, est vrai, et c'est le madhab, c'est la position de Al-Sunnah al-Jama'a, et bien sûr, toutes ces choses, tous ces attributs qu'on vient de dire maintenant, ne ressemblent en rien à ce qu'on a nous. Ni sa main ne ressemble à la nôtre, ni ses yeux aux nôtres, ni son tibia aux nôtres, ni sa descente à notre descente, ni son rire à notre rire, et comme ça. Naam. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Naam. تفضل ان شاء الله تعالى. دوزيام كيستيون. نعم أم عثمان posez votre question ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous avez dit dans le cours que le châtiment de la tombe pour le croyant dépendait du fait que si le croyant s'est repenti ou pas. Je voulais savoir si le croyant qui s'est repenti aura une belle vie dans la tombe, ou alors il est possible qu'Allah ne lui pardonne pas, et alors il sera châtié quand même. Et pourriez-vous nous dire quels sont les péchés pour lesquels le croyant sera châtié dans la tombe ? Jazakumullahu khayran. Tafadhal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Je voudrais dire aux frères musulmans d'augmenter un peu le son. Naam. Car comme ça, dans les enregistrements, la question ne va pas être entendue. Ou du moins, elle ne va pas être bien entendue. Naam. Si ce n'est pas possible, c'est le maximum chez toi, Inch'Allah ta'ala, alors laisse Abu Marwan poser la question. Si ce n'est pas possible chez toi, d'augmenter le son, bi'idhnillahi azza wa jal. Les musulmans, n'oublie pas que... On pose deux questions dans le Paltalk et une question dans le InSpeak, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, je réponds à la question de celui qui vient de la poser. Je dis que... Naam, attendez, je pense d'abord, c'était quoi la question? Naam, Allah Azza wa Jal, quand une personne fait le repentir et demande le pardon, elle remplit les conditions, entre autres, la grande condition, d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, en règle générale, qu'Allah azza wa jalla lui pardonne. Naam. Même s'il fait 100 000, 10 000 péchés. Naam. Mais il est possible que, par exemple, Allah azza wa jalla n'ait pas pardonné à cette personne. Naam. Si, par exemple, elle n'était pas sincère. Ou si Allah Azza wa Jalla savait que cette personne plaisantait, etc., naam, et qu'elle n'était pas sincère, il est possible que Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Naam. Sinon, toute personne sincère qui remplit les conditions du repentir, vous les connaissez, ils sont 4 ou 5, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. D'ailleurs, les conditions du repentir vont être bientôt avec nous dans le Dars de Riyad Salihin, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être c'est le prochain Dars. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres péchés qui pour lesquels le croyant va être châtié dans la tombe? Naam. Et quand il est châtié pour ses péchés, naam, ce ne sont pas des péchés précis, comme telle chose et telle chose, mais ce sont en général les péchés qu'il a fait, naam, et que, bien sûr, c'était pas entre lui et les gens. Les personnes qu'il fait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a fait comme ça en cachette, il n'a pas fait le repentir, il doit remercier Allah Azza wa Jal qu'il soit châtié dans la tombe. Comme ça, lorsqu'il va se lever demain devant les gens chez Allah Azza wa Jal, il aura déjà quoi? Il aura déjà payé. Il aura payé ses dettes. C'est-à-dire, il a été châtié dans sa tombe. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma pour lui. Ça, dans le cas où Allah ta'ala ne lui pardonne pas. C'est-à-dire que être châtié dans la tombe, c'est mieux que d'être châtié demain devant Allah. Pourquoi? Parce que le châtiment de la résurrection est beaucoup plus grand que celui de la tombe. Et ensuite, là-bas, il y a les gens qui nous voient, il y a les gens qui sont témoins. Alors que dans la tombe, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne sait. Et ça, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Tfadla, inshallah, troisième question. Naam, donc là on passe à InSpeak, Inch'Allah. Donc là on est sur InSpeak. Donc est-ce que le son il est faible ou est-ce qu'il est bon, Inch'Allah? Cheikh, est-ce que vous entendez bien? Naam, alhamdulillah. Donc là ça Dar al-Ahkam. Posez la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Hayakum Allah, Cheikh. Je sais que lorsqu'une personne est en train d'agoniser, il y a Shaytan qui vient sous la forme dont seul Allah sait, Subhanallah, et qui fait tout pour qu'on meure chrétien ou juif. Comment ne pas recevoir Comment ne pas... Il manque un morceau. Comment ne pas recevoir? Il manque la suite. Il manque un morceau sur la question. Comment ne pas recevoir sa visite? Est-ce systématique pour tout le monde? Ceux qui meurent noyés n'ont pas la visite de Shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Shaitan, bien pour ceux qui ne sont pas châtiés dans la tombe. Martyr véridique. Enfant. Barakallahu fik. Tfadal Cheikh. Walaykoum salam wa rahmatoullah. Naam, je dis quand ton frère, soit qu'il soit dans le Paltalk ou bien dans le InSpeak. Naam, s'ils veulent prendre le micro, ce n'est pas interdit. S'ils veulent prendre le micro pour faire vite et poser leurs questions directement avec le micro, c'est peut-être même mieux bi'idhnillah azza wa jall pour ne pas perdre de temps, inshallah ta'ala. Je dis à mon frère, naam, en ce qui concerne la visite du shaitan qui vient, naam, assister le mort qui est en train d'agonir pour yani, lui dire de mourir chrétien ou de mourir musulman, je dis à mon frère que ce hadith est très connu chez les gens, mais que malgré cela, ce n'est pas un hadith authentique. Naam, c'est un hadith qui est faible. Naam. Et l'histoire de l'imam Ahmed dans ce sens, elle est connue, naam, mais les savants disent que c'est un hadith qui n'est pas authentique, qui vient pour qu'ils te disent « meurs juif » ou bien « meurs chrétien ». Mais cela ne veut pas dire que le shaitan ne vient pas, car c'est sa dernière occasion. C'est sa dernière occasion. Mais... Comme a dit le frère, alhamdoulilah qu'il ne vient pas pour nous faire mourir chrétiens juifs. Mais je dis à mes frères et mes sœurs que c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal que toute personne qui a été sincère avec Allah dans cette vie, elle mourra croyante. Et que jamais le shaitan n'aura de pression sur lui. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a dit « Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira » Allah Ta'ala promet qu'il raffermirait le cœur des croyants dans cette vie et dans l'au-delà. Il n'y a pas quelqu'un qui a été sincère avec Allah Azza wa Jal qui est mort mécréant. Et vous pouvez trouver ça aussi dans la fin de Sharh Sahih al-Bukhari. Les derniers hadiths dans le Tawhid, le dernier hadith est bien expliqué dans Fath al-Bari, où il a cité Ibn Hajr rahimahullah, il a cité que, j'ai oublié quel savant il a cité, qui a dit qu'il était impossible, naam, parce que Allah Ta'ala a dit que c'est impossible, c'est pas nous qui disons c'est impossible pour Allah, c'est lui qui a dit, Allah Ta'ala promet que toute personne qui serait sincère dans cette vie, qui adorait Allah avec ikhlas et sincérité, qu'elle mourrait croyante, naam, parce que Allah Ta'ala est le plus juste. Il est impossible que quelqu'un adore Allah sincèrement et meure dans la mécréance. Ça ne se trouve pas dans l'islam, ça. Walhamdulillah, walhamdulillah. Qui a dit que le hadith est faible? Beaucoup de savants ont dit que ce hadith est faible. C'est très simple. Tu écris ce hadith, par exemple, dans le maktaba de Sheikh al-Albani, Allah yarhamou, naam, et tu vas trouver que le hadith est faible. Bi-idhnillah, azza wa jal. Naam. Que Allah azza wa jal raffermisse nos cœurs et nous aide à mourir croyant et sincère. Tfadl, inshallah, le prochain. Ibrahim, c'est à vous, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Hayakallah, Sheikh. Pouvez-vous nous rappeler les bases essentielles d'une aqida correcte? Barakallahu fik, jazakallahu khair. Un frère veut savoir si vous comptez venir en France. Walaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Je dis au frère Dar al-Hakam que Allah Azza wa Jal t'aime comme tu m'as aimé. Taïb, je rappelle au frère Abu Huraira de m'écrire numéro 1 dans le InSpeak. A chaque fois que je prends le micro, bi'idhnillah. Jazakallahu khayran. Naam, je réponds à la sœur qui a dit quelles sont les bases d'une aqida sahiha. Je dis que la base de la aqida sahiha, c'est quoi? C'est d'être sur la aqida du, bien sûr je vais dire du messager d'Allah, tout le monde va dire on est sur la aqida du messager d'Allah. mais ajoutez à cela la aqida de ses compagnons et la aqida des pieux prédécesseurs. Car il y a des savants, il y a des gens qui ont fait des efforts, etc., mais qui ne sont pas arrivés. Car ce n'est pas toute personne qui veut arriver, qui va, elle va arriver. Mais le prophète, alayhi sallam, a donné une tezkiya. A donné une tezkiya, je ne sais pas comment on dit en français, une tezkiya, aux trois générations, dans le hadith authentique que vous connaissez. Il a dit mes compagnons, ensuite ceux qui vont les suivre, ensuite ceux qui vont les suivre. Ces trois, il leur a donné une tezkiya. Il a dit, ce sont les meilleurs, ce sont yani, les muhtadines, ce sont yani, khayr al-nas, ce sont les meilleurs des gens. Donc maintenant, pour avoir une base aqida, nous, on ne doit pas prendre notre aqida d'une secte. Non, une secte, par exemple, qui est égarée. On doit prendre la aqida des grands savants qui sont marchés ou là, qui ont marché sur la voie des pieux prédécesseurs. C'est pour ça, ça ne te suffit pas de dire je suis musulman ou là j'ai pris ma aqida du Coran et de la Sunna. Mais comment as-tu compris le Coran et la Sunna? Je peux t'expliquer le Coran à ma façon et t'expliquer les hadiths à ma façon et bien sûr m'égarer et t'égarer. C'est pour ça que on ne doit prendre sa science, comme a dit Ibn Sirin, la science c'est une religion, on ne l'apprend que de quelqu'un qui est connu pour sa science, connu pour la voie qu'il suit, celle des prédécesseurs, connu par les savants, et comme ça. Non. Ça, c'est la base de laquelle on doit prendre sa aqida. Quand on prend la aqida de quelqu'un, par exemple, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, naam, comme ceux-là, les grands, naam, alhamdoulillah, naam, tu es sûr, inshallah ta'ala, que tu as pris la vérité, si ce n'est pas à 100%, à 99%, bi'idhna azzawajal. Maintenant, s'il y a une faute ou des fautes, c'est pas à toi qu'on va poser des questions demain, mais à celui qui a dit cette chose. Wallahu azzawajal. أعلم تفضل إن شاء الله بسويفون نعم دونك لا سي أبو وسيم دونك جي لا كيستيون أون بي في إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شيخنا حفظكم الله تعالى إسكا مور سي كونت أون لو فيزيت سي تيل كيل إي لا بيرسون كي لو فيزيت تفضل شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La personne avant cette question m'avait demandé, je me rappelle maintenant, elle avait dit que si j'avais l'intention de venir en France, je dis que certains frères m'ont contacté pour faire ce qu'on appelle une da'wa ou quelque chose comme ça là-bas. Bon, par exemple un mois ou 15 jours ou 20 jours ou je ne sais pas combien, faire comme ça des cours, je ne sais pas comment on appelle ça. Un séminaire, si je puis dire, naam, et que j'attends qu'il fasse, voilà, des conférences, j'attends qu'il fasse le nécessaire, naam, si ça se fait. Maintenant, s'ils peuvent et arrivent à faire le nécessaire, alhamdoulilah, s'ils n'arrivent pas, quoi, qaddar Allah, wa masha, fa'ad. Ensuite, pour la personne qui m'a dit, si vous pouvez nous réciter du Coran à la fin du cours, je dis que, naam, j'aurais aimé vous lire le Coran, mais puisque ma voix ne me le permet pas, parce que je n'ai pas une belle voix. On demande à quelqu'un qui a une belle voix et bien sûr qui connaît les règles de nous lire le Coran. Si quelqu'un n'a pas une belle voix, là, il va nous lire le Coran, yani on va rien ressentir. Alors moi, j'ai peur si je vais vous lire le Coran, vous allez tous vous enfuir du salon. Donc, pour que vous fuyez pas, pour que vous restiez avec moi, je vais pas lire le Coran. Naam. Donc, c'était quoi la question? J'ai oublié la question. Naam, je vais la relire, Inch'Allah. C'est la question de Abu Wassim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, shaykhuna. Hafizakum Allah ta'ala. Est-ce qu'un mort, c'est quand on le visite? Et c'est-il quelle est la personne qui la visite. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Naam. Il y a deux avis ici. Deux avis. L'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que la personne, naam, ne ressent pas et ne sait pas quelle est la personne qui l'a visité. Ne ressent pas et ne sent pas quelle est la personne qui l'a visité. Rappelez-vous du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que toute personne qui me passe le salam, si elle est loin de moi, Allah ta'ala m'envoie un ange pour me dire que cette personne va passer le salam. Ça, vous connaissez le hadith. Donc regardez, Allah ta'ala lui envoie un ange spécialement pour l'avertir et lui dire telle personne a fait cette chose sur toi, la prière sur toi. Alors que pour les autres, non. C'est pour ça que l'avis le plus sûr, c'est que la personne qui est dans la tombe ne sait pas qui est venu la voir, ni ne l'entend si elle parle. Naam. Tafadla, inshallah, le prophète. Naam, donc là, on est sur InSpeak, inshallah. C'est la question de Oum Abdelaziz. Salam alaykoum. Est-ce que le terme takfiri et le terme khariji signifient la même chose? Et est-ce qu'une personne qui ne déclare pas que celui qui commet les grands péchés est mécréant et qui ne déclare par licite le fait de prendre les armes contre le gouverneur musulman peut tout de même faire partie des khawarij? Tfadal, cher. Muslim, s'il te plaît, barakallahu fik, j'ai pas entendu la fin, disons, parce qu'il y a presque deux questions ici. J'ai pas entendu la deuxième. Et mieux encore, si tu peux répéter les deux, Inch'Allah ta'ala. Non, mais je répète, Inch'Allah. Salam alaykoum. Est-ce que le terme takfiri et le terme khariji signifient la même chose? Et est-ce qu'une personne qui ne déclare pas que celui qui commet les grands péchés est mécréant et qui ne déclare par licite le fait de prendre les armes contre le gouverneur musulman peut tout de même faire partie des khawarij? Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Je réponds à la première question. Et la deuxième question, si vous l'avez comprise, toi ou bien Abou Marwan, vous me l'expliquez. Je ne l'ai pas bien comprise. Naam. La différence entre le takfiri et le khariji. Naam. Le khariji, c'est celui qui... Pourquoi ça vient du mot khuruj? Khuruj, c'est-à-dire sortir. Sortir où? Sortir, se rebeller contre le gouvernant. Prendre les armes et aller se rebeller. Naam. Et takfiri, c'est quelqu'un qui dit que le gouverneur est mécréant. En principe, les deux marchent ensemble. En principe, on ne sort pas contre une personne avant de dire qu'elle est mécréante contre un gouvernant. On dit qu'il est mécréant, ensuite on se rebelle contre lui. Mais, il se peut, et d'ailleurs ça existe beaucoup, que beaucoup de gens ne se rebellent pas contre le gouvernant, mais disent qu'il est mécréant. Il ne se rebelle pas. Ou bien par conviction, ou bien par peur. Par peur. Comme le font beaucoup de takfiris de nos jours. Naam, par peur. Il a peur. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut exciter les autres à aller se rebeller, à aller se révolter. Et lui, il reste derrière le PC, en train de boire les jus, et peut-être fumer sa cigarette. Et il fait... Il excite et incite aussi les jeunes, comme ça, à partir là-bas. Et lui, il reste dans le pays de Kofl à amasser de l'argent et à s'acheter des belles voitures. Al-Muhim. Quant à la deuxième question, je ne l'ai pas bien comprise. S'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer à sa façon, il faut là. Non, Michel. Donc, en fait, dans l'autre morceau de la question... Elle dit si une personne ne déclare pas en fait parce que en fait elle veut dire que les takfiris ils ont l'habitude de rendre mécréants même les personnes qui font les grands péchés et en même temps donc ils disent que les gouverneurs sont mécréants et là elle dit en fait si une personne ne déclare pas une personne qui fait des grands péchés étant mécréante mais qu'elle déclare quand même que les gouverneurs musulmans sont mécréants, est-ce qu'il est correct de dire qu'ils font partie des Khawarij? Allahu, c'est ça que j'ai compris. En fait, donc elle dit que les gouverneurs sont mécréants, mais pas ceux qui font les grands péchés. Allahu. Tfadal, cher. Non, j'ai compris maintenant. Je réponds, toute personne qui dit que celui qui fait un grand péché, quand par exemple ne juge pas avec l'islam, en reconnaissant que il faut juger avec l'islam, et il ne juge pas, donc il a fait un grand péché. Si on dit de lui il est mécréant, ça veut dire on est un tekféri. On est devenu un tekféri. Même si on ne dit pas des autres personnes. C'est-à-dire ceux qui boivent l'alcool, ceux qui font la zina, ceux qui volent, on ne dit pas d'eux ce sont des mécréants. On dit seulement du gouvernant. Dès que le gouvernant ne juge pas avec l'islam, on dit il est kafir. Naam. Même s'il reconnaît qu'il faut juger avec l'islam, qu'il n'a pas jugé. Dans ce cas, on est devenu takfiri. Parce qu'il n'y a pas de différence entre qui? Entre gouvernant et gouverné. Parce que tout le monde doit juger avec l'islam. Et cette personne, déjà, qui a fait la différence entre le gouvernant, elle l'a rendu mécréant, et le gouverné, elle l'a pas rendu mécréante, non, et le gouverné, elle l'a pas rendu mécréant, cette personne elle-même, d'après eux, elle doit devenir mécréante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas jugé avec l'islam. Elle a fait la différence entre le gouverné et le gouvernant. Parce que toute personne doit juger avec l'islam, pas seulement le gouvernant. Moi, toi, X, Y, mon père, mon voisin, ma tante, tout le monde doit juger avec l'islam. En ce qui te concerne, en ce qui concerne ton époux, tes enfants, ton bien, ton argent, tu dois juger avec l'islam. Nan. Voilà, inshallah ta'ala, la vraie réponse. Tfadla, inshallah, le prochain. Donc là, c'est Firouz Dirimi. Posez votre question, Inch'Allah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde passée avec nous. Amin. Ainsi qu'à votre femme pour sa patience. Question. Est-ce normal d'avoir trop peur de mourir, d'être enterré et de rencontrer l'ange de la mort, d'être sous la terre, seul et froide, etc. Barakallahu fik. Tfadal, cher. Inch'Allah ta'ala, tu as posé la question seulement sur le paltok, car j'avais oublié de retirer ma main dans le inspic. Tafadhal une deuxième fois, tafadhal. Non, mais je n'avais pas fait attention non plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde passée avec nous. Amin. Ainsi qu'à votre femme pour sa patience. Question. Est-ce normal d'avoir trop peur de mourir, d'être enterré et de rencontrer l'ange de la mort, d'être sous la terre seule et froide, etc. Barakallahu fik. Tfadal, cher. En fait, plus on a peur de ces choses-là, plus c'est bien, en ce sens que ça va nous pousser à travailler encore plus pour notre au-delà. Mais à condition que ça n'arrive pas à un point où il y a tellement craint que quoi, il y a on va dépasser les limites. Naam, c'est-à-dire on va perdre tout espoir. C'est pour ça que si on craint Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux que cela. Mais à condition que ça soit, comme je dis, dans les limites. C'est bien de penser, par exemple, à la mort, naam, beaucoup. À la tombe, d'ailleurs, ce sont des idées qu'on ne doit pas quitter de la tête. À chaque fois, naam, qu'on marche, qu'on mange, qu'on s'assoit, qu'on pense à ces choses-là. Surtout, surtout, lorsque on commence à prendre de l'âge. On doit se dire à chaque fois que peut-être il ne me reste pas longtemps. Et je dois quitter ce monde. Mais même en étant jeune, on doit beaucoup penser à ces choses. Comme a dit le messager d'Allah, Aktiru min dhikri hadhim laddat. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Aktiru. Il a dit, c'est-à-dire, penser beaucoup à la mort. Penser beaucoup à la mort. Plus on a la mort entre les yeux, naam, et plus on devient pieux. Plus on a peur d'Allah. Plus on a peur des péchés. Et plus on oublie la mort. Plus on s'éloigne de l'Azza wa Jal, plus on fait les péchés. Mais je dis, je répète, à condition que ça ne dépasse pas des limites, jusqu'à ce que ça devienne une peur, ça devienne une obsession, ça devienne une maladie. Non, pas à ce point, bi'idhnillah Azza wa Jal. Non. Tfadla, inshallah, le suivant. Donc là, ça a deux cours. Ouais, donc j'ai la question en PV, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. J'aimerais savoir si on fait une chose pour Allah, malgré que cela soit une chose qui la rend malheureuse, sera-t-elle récompensée dans l'au-delà ou doit-elle l'éviter? Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Il faut dire que c'est difficile, c'est un peu difficile de comprendre cette question. C'est un peu difficile de comprendre cette question, en ce sens que tout ce que Allah Azzawajal nous a demandé de faire ne nous rend pas malheureux. Il n'y a aucune chose en islam que si on va la faire pour Allah, on va devenir malheureux. Chaque chose qu'on fait pour Allah Azzawajal, à chaque fois qu'on fait une chose pour Allah, on sent un bonheur qui remplit notre cœur. On sent hein, des délices qui remplissent notre cœur. Parce que ce n'est pas une chose obligatoire. Naam. Je parle aussi de ces choses-là. Quand on fait un sacrifice, naam, on sait qu'Allah Ta'ala aime cette chose. Et que nous, par exemple, on l'aime aussi, mais on l'a laissé pour Allah Azzawajal. C'est un sacrifice. Ça nous rend malheureux, comme tu as dit, mais c'est juste quelques instants, quelques moments. Ensuite, Allah Azzawajal va récompenser la personne. Va récompenser la personne en lui faisant descendre la sérénité sur le cœur, la quiétude, la tranquillité, le bonheur, et en la récompensant même en lui donnant des biens dans cette dunya. En lui donnant des choses dans la dunya, comme a dit le messager d'Allah, que quiconque laisse une chose pour Allah Azzawajal, Allah Azzawajal le récompense en mieux. Ça, c'est quand il laisse. Qu'en est-il quand il fait? Quand il fait une chose pour Allah Azzawajal. Soit, Inch'Allah Ta'ala, sincère avec Allah, et sois sûr que il te donnera 10 fois ou 20 fois plus que tu n'en as donné. Ne serait-ce que le bonheur qu'il fera descendre dans ton cœur et la récompense, la grande qui t'attend, Inch'Allah, le jour de sa rencontre. Bi'idhnillah Azzawajal. Donc là on passe à InSpeak. Donc j'ai la question en PV. Salam alaykoum Cheikh. Est-ce que les morts qui se font incinérer, entre parenthèses, brûlés et réduits en cendres, ressentent la douleur? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, je n'ai pas une réponse précise à cette question, car je n'ai jamais lu, ou mes yeux ne sont jamais tombés sur une question pareille. Mais je dis, bi'idhna azzawajal, d'après ce que je sais, d'après ce que je connais, quand quelqu'un meurt, son âme n'est plus avec lui. Son âme n'est plus avec lui. Son âme est, ou bien dans les délices d'Allah Azzawajal, ou bien dans les supplices. Les supplices des anges, les supplices des dragons qu'on a cités une fois, des serpents, etc. Alors que le corps maintenant devant toi, ce n'est qu'un corps. C'est pour ça que le mort ne va pas ressentir. Mais, d'ailleurs, si, imagine maintenant par exemple cette personne qui soit morte, c'est par exemple un martyr, bi'idhna azzawajal. Est-ce que le martyr, donc celui-là, qui est mort pour la cause d'Allah Azzawajal, et Allah sait que c'est un martyr, est-ce celui-là, si on va le brûler par exemple, il va avoir mal? Donc comment se fait-il? D'un côté, il est mort, martyr, masha'Allah, et de l'autre, parce qu'on l'a brûlé, il va avoir mal. Donc s'il a mal, il n'est plus dans les délices. Naam. C'est comme ça que je réponds, Inch'Allah Ta'ala. Abu Marwan, tafadhal. Salam alaykoum, Cheikh. Vous nous entendez, Inch'Allah? Il y a du son? Naam, je voulais vous donner un complément, parce que chez les koufars, ils font ce qu'ils appellent l'incinération. C'est-à-dire qu'ils prennent le corps de la personne qui est morte, ils la jettent dans un four où ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, jusqu'à ce qu'il reste les cendres. Et à la fin, les cendres, ils les récupèrent avec un petit balai. Et ils les mettent dans une boîte, une jolie boîte en bois comme ça, vernis, décoré, et ils les rendent à la personne. Et une fois, je suis parti chez quelqu'un, chez un koufar, et quand j'étais chez lui, j'ai vu il y avait une belle boîte sur son meuble. Et je me suis levé comme ça, je l'ai pris dans mes mains, j'ai dit, ah, elle est belle cette boîte, elle est décorée. Et il m'a crié, ma grand-mère, pose ma grand-mère. J'ai dit, comment ça, ma grand-mère? Et en fait, dans la boîte, il y avait les cendres de sa grand-mère. Et les koufars, l'autre, il croit que sa grand-mère allait dans la boîte. Donc, je pense que la question, la personne qui a posé la question, elle veut savoir, est-ce que ces gens-là, là, qui sont réduits en poussière comme ça, qu'est-ce qu'il advient des souffrances? Salam alaikum. Naam, c'est la même réponse, inshallah ta'ala. Naam, le fait qu'elle soit réduite en poussière, ça ne veut pas dire qu'elle va pas être, elle va pas être châtiée. Naam, elle est là en poussière, mais ce n'est pas elle qui est là, ce sont les poussières. Elle, elle est dans la tombe en train d'être châtiée si c'est une mécréante. Naam, faudra inshallah suivre. Afwan, j'étais en stéréo mix. Là, c'est Muslim 2007, Inch'Allah. Muslim 2007. Donc, on passe à Abu Ishaq, 62. Muslim 2007, Abu Ishaq, 62. Sami Ibn Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahsanallahu ilaykum ya shaykh. Je voudrais savoir si les invocations du soir et du matin et celles que l'on doit dire avant de se coucher sont obligatoires ou très recommandées, et quelle est la conséquence de les négliger. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Ces invocations du matin et du soir et avant de se coucher, quand on se réveille, etc., quand on s'habille, etc., ne sont pas obligatoires, mais très recommandées. Très recommandé. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme a dit le messager d'Allah, que celui qui invoquait Allah Azza wa Jal et celui qui ne l'invoquait pas, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Naam. Allah Azza wa Jal, en faisant ses invocations, ça veut dire que tu l'as invoqué. Et Allah Azza wa Jal aime être invoqué. Il dit même aux anges, regardez comment mon serviteur m'invoque. Quant à l'autre, il a oublié Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'oublie. L'oubli, ça veut dire le délaisse. Naam. Il ne pense qu'à lui, qu'à ses enfants, qu'à sa femme, qu'à sa voiture, qu'à l'argent, qu'à ses projets, qu'à la banque. Naam. Au lieu de, s'il vraiment il avait l'au-delà dans son cœur, s'il vraiment il avait la religion dans son cœur, naam, il ne serait pas arrêté d'invoquer Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, plus on invoque Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal nous aime. Plus Allah Azza wa Jal nous aime. Et dans le hadith que, il n'y a pas une chose qui rapproche Allah Ta'ala après les choses obligatoires comme les choses surérogatoires. Et le serviteur ne cessera de faire les choses surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Donc en faisant les invocations, on fait le surérogatoire et Allah Ta'ala va nous aimer. Si Allah Ta'ala aime quelqu'un, il devient, yani, comme c'est dans le hadith, le pied avec lequel il marche, la main avec laquelle il prend, les yeux avec lesquels il voit, lui avec laquelle il entend, et comme ça. Pour celui qui ne fait pas les invocations, il est très enclin à être touché par le shaitan. Naam. Et à être même, yani, possédé. C'est pour ça que plus on fait ces invocations, plus le shaitan s'éloigne de nous. Et aussi si on a un sihr, si on a un shaitan, si on a un mauvais œil, si on a tout cela, ou bien ça part de nous quand on fait des invocations, ou bien ça diminue et ça régresse. Si ça ne part pas, au moins ça diminue. Mais celui qui ne cède pas avec les invocations, celui-là c'est un quoi? C'est un pauvre, c'est un miskin. Que Allah Azza wa Jalla nous aide. Tfadl, Cheikh. Naam, donc j'ai la question de Muslim 2007. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Vous venez de nous dire durant le cours que la prière est invalide et qu'on devait faire réparation de la prière avec deux prosternations à la fin du salam si on ne dit pas durant la prière à Allah le Très-Haut de nous protéger du châtiment de l'enfer et du supplice de la tombe. Pouvez-vous me donner le dalil ou plus d'explications à ça? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Muslim, je n'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit après le dalil. Tu as dit le dalil ou bien Qu'est-ce que tu as dit encore? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, l'explication. Naam. Le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est clair. Est clair. Et qu'il a dit que personne ne devait, naam, ne pas dire ces quatre choses. Ces quatre choses. Au point où Sheikh Al-Albani Rahmo a dit que même on pouvait dire ces choses-là, même quand on s'arrêtait au tashahhud du milieu. Naam. Vous pouvez lire ça dans le livre, par exemple, de Sheikh Ibn Uthaymeen, Sharh, comment qu'il s'appelle, attendez, il est là en face de moi, ce mot, Sharh Al-Mumti'a. Le messager d'Allah a donné un amr, c'est-à-dire a donné un ordre. Et en base générale, que l'ordre est obligatoire, sauf si on a quoi? Sauf si on a autre chose, un autre dalil, ce qu'on appelle qarina, qui va faire de cet ordre, qui est obligatoire, qui va faire de lui une chose conseillée, c'est tout. Comme le haram, quand le messager d'Allah nous interdit une chose, c'est haram. Sauf s'il y a un autre dalil qui la rend quoi? Qui la rend seulement macro, déconseillé. Naam. Mais, remarquez que je n'ai pas dit que la salat était annulée. J'avais dit qu'il manquait quelque chose d'obligatoire. Il manquait qu'il fallait rattraper en faisant les deux prosternations. Il y a une différence quand on ne fait pas quelque chose qui est une condition et la salat devient nulle, et quand on ne fait pas quelque chose qui est une obligation, celle-là, on peut la rattraper en faisant deux soujouds de distraction. Et je demande aussi aux frères de revenir au livre qui s'appelle La Salat du Messager d'Allah. Sefet Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, de Sheikh al-Albani, là-bas aussi, il dit que dire ces quatre choses à la fin de la Salat, dire que c'est obligé est la vie le plus juste. Dire que c'est une obligation est la vie le plus juste. Bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Tfadl, inshallah, le suivant. Naam, donc là on passe à InSpeak. Cher, si vous pouviez enlever le raid à Oum Safwa, posez votre question, inshallah. Salam alaikum, cher. Une femme a avorté d'un bébé quand elle était plus jeune. Elle a donc décidé de jeûner 2 mois à la suite, mais comment fait-elle le jour du Eid? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la personne qui doit jeûner 2 mois consécutifs, si une personne a une expiation de 2 mois consécutifs, naam, il lui est obligatoire de ne pas jeûner les jours où Allah Ta'ala n'a pas permis de jeûner, entre autres l'Aïd. C'est pour ça que pendant l'Aïd et les jours qui vont suivre, les 3 jours qui vont suivre, elle n'a pas le droit de jeûner. Ensuite, elle reprend dès que Yam Tashriq, les jours des Tashriq sont terminés. Bi'idnillah Azza wa Jal. C'est-à-dire si l'Aïd c'est lundi, alors il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Elle commence directement le vendredi. Non, elle rajoute pas. Elle s'arrête. Par exemple, elle jeûne demain et elle s'arrête. Ensuite, elle arrête les 3 jours plus l'Aïd. Et ensuite, elle reprend. Si elle a fait 20 jours, ça sera le 20e jour et comme ça. Non, pendant 4 jours. Les 3 jours plus le jour de l'Aïd. Yam Tchèk plus le jour de l'Aïd. Fadl, Inch'Allah, le prochain. Donc là, c'est la question à Abu Ishaq, 62. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, nous voudrions d'abord dire que nous vous aimons en Allah. Pour la question, Allah dit: et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre Main refuge et abondance. Comment devons-nous comprendre ce verset vis-à-vis de la Hijra? Est-ce que cela veut dire que l'on doit croire, que l'on doit émigrer en terre d'islam, même si l'on n'a pas de moyens? Qu'Allah vous préserve. Et entre parenthèses, à Afouen Cher, pourriez-vous un jour faire un dars sur l'héritage entre mécréants et musulmans, pour les convertis par exemple, et les relations entre l'épouse musulmane du converti et la famille mécréante? Fadal Cher. En fait, Abu Huraira, je t'avais écrit dans le InSpeak en te demandant qu'a dit le frère en lisant le verset, que celui qui faisait la hijra, il trouverait quoi? Les deux mots, je ne les ai pas entendus. C'est quoi les deux mots? Je sais qu'en arabe, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Quiconque me met dans son Dieu trouvera sur terre mes refuges et abondance. Naam. Ce verset, naam. Ce verset veut dire en arabe que quiconque qui fait la hijra trouvera deux choses. S'il l'a fait pour Allah Azza wa Jal, il va trouver deux choses. Il va trouver Muraghaman. Ici ils ont dit main refuge, je ne sais pas si c'est comme ça le vrai sens, mais en arabe Muraghaman, ça veut dire que il va trouver de quoi faire attendez, comment on dit ça, de quoi faire de quoi courser les kofars. Non, de quoi courser les kofars. Les kofars autrefois, quand ils ont expulsé les musulmans de la Mecque, comme ils ont fait par exemple à Souheib, ils lui ont pris tous ses biens, et comme ça, ils ont cru que quand ils vont aller donc à Médine, ils vont devenir pauvres, ils vont devenir des mendiants, ils vont ceci, ils vont cela. Allah Ta'ala a dit que, naam, en partant là-bas, Allah Ta'ala va leur donner deux choses, de quoi courroucer les kofars et beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance, Allah Ta'ala va t'ouvrir ses portes, etc. Justement, c'est aussi pour courroucer les kofars aussi et les rendre en colère. Vont dire, commence par là, celui-là, il a tout laissé ici, on l'a expulsé, et là-bas il est, mashallah, il est riche, il est millionnaire, il est ceci, ce... Non. Donc quiconque fait une hijra sincère pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne va pas le laisser. Pourquoi? Tu as fait cette chose pour lui, pour son visage. Comment se fait-il qu'il te laisse et te délaisse? C'est impossible. C'est pour ça que quiconque a fait la hijra fi sabilillah, il ne doit jamais revenir dans son pays. Il doit patienter jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'il lui a promis. Il doit se dire, Allah Ta'ala, quand il dit une chose, c'est une chose. Il ne revient pas sur ses promesses. Si j'ai fait la hijra pour Allah, il ne va pas me laisser bi'idhna Azza wa Jal. Regardez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qui a fait la hijra de la Mecque. Qu'est-ce qu'il disait dans le hadith authentique? Ô toi la Mecque, si ce n'est pas que yani ton peuple ou ta nation ou tes habitants m'ont fait sortir, je ne serais pas sorti. Je ne serais pas sorti de toi. Pourquoi? Tellement il aimait la Mecque. Et malgré cela, quand il a fait la hijra, il a libéré la Mecque. Quelques années après, il a libéré. Est-ce que allez, salatu salam, est-ce qu'il est revenu vers la Mecque? Et pourtant il l'a libéré. Khlas, c'est une terre musulmane. Il aurait pu dire, Alhamdulillah, maintenant que j'ai libéré le pays que j'aime tant, je vais y revenir. Il n'est pas revenu vers la Mecque. Pourquoi? Parce que quand on délaisse quelque chose pour Allah, on n'y revient pas. Alors qu'en est-il que quelqu'un maintenant délaisse par exemple la France pour Allah, ensuite il va y revenir, subhanallah. Le messager d'Allah n'y est pas revenu vers un pays musulman. Qu'en est-il pour ceux qui reviennent vers un pays de kufr? Que Allah Azza wa Jal nous aide et nous préserve. Quand on délaisse quelque chose fi sabilillah, regarde, quand tu donnes une chose fi sabilillah, tu n'as pas le droit d'aller acheter cette chose si on la vend. Subhanallah al-Azim. Omar ibn Khattab a donné un cheval fi sabilillah. Il l'a trouvé en train d'être vendu il allait lâcher le messager d'Allah, lui a dit attention, celui qui donne quelque chose, fils Abdullah, il revient, c'est un peu comme le chien. Il vomit, ensuite il va manger ce qu'il a vomi. Non. Que Allah Azza wa Jal nous aide. Fadla, Inch'Allah, le suivant. Celui qui revient pour un travail, il n'a pas trouvé de travail ou là, non, ce n'est pas comme celui qui revient pour s'installer. Si je me suis installé en Algérie, non, j'ai pas trouvé le travail, ou là je suis malade, ou là je dois me soigner là-bas ou là, ce n'est pas comme celui qui quitte de nouveau l'Algérie, prend ses affaires et revient vers l'autre pays. Non, il y a une différence entre les deux. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfadla. Non, donc là c'est Muslima 99. Muslima 99. Est-ce que vous êtes là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Barakallahu fik pour le temps que vous nous consacrez. J'ai entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis une jeune feuille de palmier sur la tombe du mort. Cette feuille disait Subhanallah et cela apaisait le châtiment du mort. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que nous, musulmans, pouvons nous le faire? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, cette chose est vraie. Le messager d'Allah, alayhi salam, a mis une feuille de palmier sur la tombe, l'âme de quelqu'un, en disant que tant que cette feuille ne s'est pas asséchée, le Seigneur Azza wa Jal va lui alléger son supplice. Naam. Mais, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou et beaucoup d'autres, la chose la plus juste, c'est que c'est une particularité. C'est une particularité. Naam. Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Personne de nous n'a le droit de faire cette chose. Quel est son délil? Le délil, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, Jibril a su que cette personne était en train d'être châtiée dans sa tombe. Or, il a mis ça en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que cette chose lui intercesse, fasse l'intercession. Mais, nous, on ne peut pas savoir que cette personne est quoi? Est en train d'être châtiée. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou a dit, si on allait déposer une feuille de palmier sur la tombe de quelqu'un, en espérant que tant qu'elle est verte, elle va lui faire l'intercession, dans ce cas, ça veut dire qu'on a pensé du mal de cette personne. Même sa famille risque de nous dire, pourquoi vous pensez du mal de notre mort? Qui vous a dit que notre mort est en train d'être châtiée? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça pour que vous vous êtes permis de poser le palmier? Non. Donc le juste, le plus vrai, Inch'Allah, c'est qu'on ne doit pas faire cette chose, mais c'est une particularité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et celui qui a dit, Cheikh, nous voudrions d'abord dire que nous vous aimons en Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime comme vous m'avez aimé. Et quelqu'un dit, Cheikh, j'ai vu quelqu'un, il a fait pousser un buisson sur la tombe de sa famille, d'un de sa famille. Il s'est dit comme ça, il y a toujours du vert. Non, celui-là c'est un miskin, c'est tout. Non, il n'a pas compris le hadith et il ne sait pas ce que les savants ont dit sur ce hadith. Non, tfadl. Donc là c'est InSpeak. Là on est sur InSpeak, Inch'Allah. Donc c'est Abou Abdelghani. Si vous pouvez lui enlever le red, Cheikh. Abou Abdelghani, c'est à vous, Inch'Allah. Abou Abdelghani, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Je vous aime, Allah Azza wa Jal. Vous avez dit pendant le cours, quand on dort, notre âme sort de notre corps la nuit et elle revient le matin. Ma question est, quand on a un sommeil agité, entre parenthèses, qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit, l'âme sort-elle à plusieurs reprises et lorsqu'on a des sursauts, entre parenthèses, khila, pendant notre sommeil, cela veut-il dire que c'est notre âme qui revient se mettre en place? Tfadal Cheikh. أولا عليكم السلام ورحمة الله عز وجل كل الله عز وجل vous-même comme vous m'avez aimé. نعم l'âme sort et revient plusieurs fois d'après les fois qu'on se réveille la nuit. Non, d'après les fois, à chaque fois qu'on se réveille, elle revient. On ne peut pas se réveiller si elle ne revient pas. C'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure, quand on dormait, elle sortait et qu'elle revenait le matin, en fin de compte, pour être plus précis, ça ne veut pas dire qu'elle revient seulement le matin, mais elle revient à chaque fois qu'on se réveille. Si on se réveille à minuit, elle revient à minuit. Si on se réveille à 1 h du matin, elle revient à 1 h du matin, et comme ça. Mais moi, je parlais de. Je disais, elle revenait le matin pour les gens, c'est-à-dire qui dorment longuement comme ça, qui se réveillent seulement le matin. Al-Mouhem, quand on a des sursauts, je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est une chose que seul Allah Azzawajal sait, mais il me semble que, par exemple, quand on a un sursaut, que l'âme, par exemple, est entre les deux, hein, entre le moment de sortir et peut-être juste avant de sortir, na'am. Il me semble que, ou bien elle vient juste de revenir, et comme ça. Non. Je ne sais pas, ni je n'ai jamais lu quelqu'un qui a dit que quand on a un sursaut, où est exactement l'âme? D'ailleurs, même dans la tombe, comme j'ai lu ça, c'est Cheikh Ibn Othaymin, et même Imam Malik a dit aussi cela, il dit même dans la tombe, personne ne sait exactement. Quand est-ce que l'âme est avec toi? Quand est-ce qu'elle est dans les cieux? Quand est-ce qu'elle... Parce qu'il y a des hadiths où il est dit que l'âme du musulman, quand il meurt, elle est dans les cieux, dans le paradis, dans des ventres d'oiseaux. Quand c'est les martyrs dans des ventres d'oiseaux gosiers verts. L'âme. Et qu'elle est là en train de brouter l'herbe ou là, de manger des arbres. Quelque chose comme ça. Le hadith, il se trouve dans Sahih Muslim. L'âme. Ensuite, il y a des hadiths qui disent que elle est dans la tombe. Non, mais elle est dans la tombe, avec les délices de la tombe, en train de regarder par la fenêtre ce qui nous attend dans le paradis. C'est pour ça que les savants disent, on ne sait pas exactement quand elle monte et quand elle descend. Ça, c'est dans la tombe. La même chose quand on a des sursauts. Je ne sais pas exactement où elle est. Wallah Azza wa Jal a'lam. Il reste, inshallah ta'ala, 10 minutes. J'ai ajouté aujourd'hui une demi-heure. Là, c'est à Ferdaous 73. Salam alaykoum, ya cher. Est-il permis de dire, d'un kafir, j'espère que cette personne ne se convertira jamais à cause de son insolence envers l'islam. Barakallahu fikoum, cher. Wa jazakumullah khayran. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que cette personne veut dire par j'espère, je souhaite? J'attends sa réponse. Est-ce que cette personne veut dire, je souhaite que cette personne ne se convertisse jamais à cause de son insolence envers l'islam? Naam. La réponse, inshallah ta'ala, c'est que il faut faire la différence entre ce qu'on aime nous et ce que Allah Azza wa Jal aime. Nous, on est bien sûr un peu égoïste, et des fois ce n'est pas de notre faute, tellement on voit quelqu'un d'insolent, on voit quelqu'un insulter l'islam, on voit quelqu'un qu'on lui souhaite dans notre cœur qu'il meure et qu'il reste comme ça pour qu'il aille en enfer. Mais en fait, Allah Azzawajal aimerait que tout le monde rentre en islam. Il aimerait que tout le monde soit au paradis. Parce que Allah Azzawajal aimerait faire du bien à tout le monde. Naam. C'est pour ça que nous, naam, même si dans notre cœur on souhaite ça, mais il faudrait que on aime et on soit content que cette personne, par exemple, rentre en islam. Et il y a un hadith authentique qui dit que les personnes qui sont comme ça, lorsqu'elles rentrent en islam, elles deviennent les meilleures. Comme a dit le messager d'Allah, Nasma'adin, ensuite il a dit, Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fil islam, idafaqahu. Ensuite il a dit, en ce sens, il a dit, je le dis en français, il a dit que ceux qui sont les plus, disons, insolents, les plus méchants, etc., en islam, pardon, en mécréance, ce sont les meilleurs en islam. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari. Subhanallah. Et vous remarquez ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus, astaghfirullah, si je puis dire, méchant ou là, contre les musulmans, comme Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, combien de musulmans a-t-il tué? Mais regardez. Quand il a fait sa tawba, il est rentré en islam. Regardez, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, et comme ça. Tous ceux-là qui sont contre, tous ceux-là qui sont contre, et vraiment contre, si jamais ils rentrent en islam et ils adhèrent, ils seront les meilleurs bidna azawajal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adnul Haq, je vous en reviendrai inshallah. Assalamu alaikum. Cher, comment doit-on ou peut-on se repentir de la médisance en sachant qu'il se peut que certaines personnes soient parties, décédées ou injoignables? Barakallahu fik wa jazakallahu khayran. Assalamu alaikum. Tfadal, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on a fait de la médisance envers une personne, on va voir cette personne, si elle est vivante ou si elle est décédée. Si elle est décédée, on lui fait des doigts. On lui fait des doigts à cette personne. Naam. Si elle est décédée. Si elle est vivante, ça se divise en deux. En deux sortes. On voit si elle est au courant ou si elle n'est pas au courant. Si elle est au courant, on lui demande pardon. On lui téléphone, on lui envoie une lettre, on lui envoie quelqu'un. On lui demande pardon. Si elle n'est pas au courant, c'est là, ce n'est pas la peine de lui demander pardon. Parce que, en sachant cela, elle risque de se courroucer, elle risque de quitter, de rompre tous les liens. Maintenant, elle ne sait pas qu'on a parlé d'elle, il vaut mieux ne pas lui dire, peut-être qu'elle ne va pas nous pardonner, peut-être qu'elle va rompre tous les liens. C'est pour ça que, de préférence, on ne lui dit pas, sauf si vraiment, vraiment, on a des preuves que si on va lui dire, on la connaît tellement cette personne qu'elle ne va pas rompre les liens et elle va nous excuser. Naam. Wallah Azza wa Jal, a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, est-ce que vous pouvez enlever le raid à Abu Abdelaziz sur InSpeak? Inch'Allah, il va prendre le micro pour poser la question. Tfadal, Abu Abdelaziz. Abu Abdelaziz, si tu m'entends, Inch'Allah, nous on n'a pas de son. Tu es peut-être en stéréo mix. Vérifie, Inch'Allah. Tfadal. Abu Abdelaziz. On n'a toujours pas de son, Akhi. Naam, soit écrit, soit vérifie si le micro est bien branché. Donc, cher, si vous pouviez enlever le raid à Aïssa. Tfadal, Aïssa. Inch'Allah. Abu Abdelaziz. Tfadal, Abu Abdelaziz. Alaykoum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a du son? On a un cimetière où il y a des koffars. Le cimetière des koffars et dans ce cimetière, ils ont fait un carré musulman. Il y a un carré musulman où il y a des musulmans qui sont enterrés dedans ce cimetière. Et Cheikh, quand il y a des morts et tout ça, des musulmans qui meurent ici, on rentre dans le cimetière des Kofars, on traverse tout le cimetière des Kofars, et après ils ont 50 mètres carrés que pour les musulmans, qu'ils ont acheté les musulmans. Est-ce que c'est permis, Barakallahu fik comme Cheikh, de se faire enterrer à cet endroit-là, Jazakumullah khair, on profite beaucoup de vous, Inch'Allah. Inch'Allah, même dans les cours que vous enregistrez, on profite beaucoup. Barakallahu fikoum, Cheikh. Jazakumullah khair wa sallallahu alaykoum. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykoum wa barakatuh. Je parle du carré des musulmans qui se trouve à l'intérieur du cimetière des Koufars. Il y a un carré qui a été acheté par les musulmans, alhamdoulilah. Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de l'enceinte du cimetière des Koffars, ou disons, s'il se trouve à l'intérieur, est-ce qu'il est entouré comme ça par un mur? Il y a un mur tout autour qui montre que cette partie, c'est la partie des musulmans, ou là il est ouvert comme ça, il n'y a pas de barrière entre les deux. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. À l'intérieur sans mur. Naam, à l'intérieur sans mur. Tayyib, Inch'Allah Ta'ala, bi idnillah Azza wa Jal, la réponse, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de barrière. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, elle sera, Inch'Allah Ta'ala, comme aujourd'hui, c'est-à-dire samedi prochain, bi idnillah Azza wa Jal, viens assister avec nous. Inch'Allah Ta'ala, je te donnerai la réponse après avoir cherché ou bien posé la question au savant, bi idnillah Azza wa Jal. Maintenant, je dois, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir assisté. Peut-être qu'on ne va pas se voir demain après-demain. Déjà, je peux vous dire dès maintenant تقبل الله منا ومنكم pour l'Aïd. De toute façon, le message vous trouverez inshallah ta'ala dans le dans mon site. Naam. Ouvrez-moi le PV inshallah ta'ala. Je peux ouvrir le PV inshallah ta'ala. D'ici inshallah ta'ala mercredi, mercredi on a un cours inshallah ta'ala sur la personnalité de la musulmane. Inshallah on se verra mercredi bi'idna azza wa jal. Profitez pour assister à la prière inshallah ta'ala de l'Aïd, parce que même pour la femme c'est une prière demandée. C'est là le fait d'assister à la prière est très demandé pour même pour la femme, même si elle a les menstrues. Nam, il lui est demandé d'aller assister à l'Aïd, c'est-à-dire pas pour faire la prière mais pour écouter au moins le serment et faire comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Naam, n'oubliez pas, pour ceux qui peuvent les hommes, pour ceux qui égorgent, qui ont un mouton qui va être égorgé, n'oubliez pas que c'est de la sunna de ne pas manger ce jour-là, le matin, jusqu'à après avoir fait quoi? La prière. Et la sunna, c'est de manger directement le foie de quoi? Le foie du mouton. Mais des fois, bien sûr, ça reste longtemps pour que le mouton soit égorgé. On ne trouve même pas celui qui est aux gorges. Dans ce cas, bien sûr, il est interdit de manger. C'est juste conseillé. Et donc, n'oubliez pas de profiter de manger, inshallah ta'ala. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit ces jours-là, ce sont des jours de manger et de boire. Mais il a dit aussi de dhikr Allah. Manger, boire et dhikr Allah azza wa jal. Naam. Je vous verrai inchallah salam l'arba. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilik. Al-mashtanajim wa al-asr. Inna l'insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.